ambassadeur. Jeudi 25 juin 2015, bonjour tout le monde, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible sur France Culture. Émission préparée avec Sarah Lazès et Henri Leblanc, réalisée par Semanina, avec aujourd'hui à la technique Eric Boisset. Dans un instant, nous poursuivrons notre série consacrée à Novalis et en deuxième partie, et à partir d'aujourd'hui d'ailleurs et jusqu'à la fin de la semaine prochaine et donc de la saison, une sélection des bandes dessinées de l'année à découvrir pendant vos vacances si vous n'avez pas eu le temps de les acheter lors de leur sortie. Et aujourd'hui, avec Sylvain Savoya, on parlera des esclaves oubliés de Tremblin. Drôle d'histoire, une histoire véridique, l'histoire d'un terrible naufrage d'un navire négrier du XVIIIe siècle et des hommes abandonnés dans une minuscule île de Tremblin, au large de Madagascar. On en parle tout à l'heure à 6h15. L'art d'écrire des livres n'a pas encore été inventé, mais il est sur le point de l'être. Des fragments comme ceux-ci sont des semences littéraires. Naturellement, il peut y avoir parmi eux de nombreux grains morts, mais qu'importe, pourvu que quelques-uns lèvent. Sur les traces de Novalis par l'éditeur et écrivain Frédéric Brun, auteur de Novalis et l'âme poétique du monde. Bonjour Frédéric Brun. Bonjour Tofik Hakem. On a parlé de Novalis dans son décor naturel, de son enfance, de ses années de formation. Aujourd'hui on parle de ses années de création. Novalis a-t-il été connu durant son époque, de son vivant ou pas? Non, Novalis n'a pas été connu durant son vivant parce que ses œuvres n'ont pas été publiées. Il n'y a eu que les fragments, les grains de pollen qui ont été publiés dans la revue L'Athénaeum. Mais son roman inachevé, Henri d'Ofterdingen, les hymnes à la nuit, tout a été réuni dans un volume complet de ses œuvres. Un an après sa disparition. Par des gens qui l'aimaient bien, par un cercle qui était autour de lui. Oui, donc. Alors ceux qui ont réuni ses écrits, c'est Schlegel, son ami, grand ami Schlegel, qui a fondé l'Athénaeum, et le conteur merveilleux qui s'appelle Tieck, cet écrivain allemand qui est célèbre pour ses contes. Alors comment Novalis va avoir une place dans ce monde des lettres et de la poésie? Alors tout d'abord, il y a cette naissance de l'Athénaeum. Donc, il faut savoir qu'à Iéna, donc, est né le premier romantisme allemand, et un certain nombre de personnalités de l'époque ont voulu se réunir autour de cette même idée de placer la poésie au centre du monde, et donc on crée ensemble cette revue. Les deux initiateurs sont les deux frères Schlegel, Friedrich Schlegel et August Wilhelm, qui ont réuni dans cette revue des essais, des poèmes, des extraits de pièces de théâtre, des fragments. Le fragment a été la forme idéale pour l'Athénaeum parce que c'est une forme très courte et qui correspondait parfaitement à l'état d'esprit du premier romantisme allemand. Donc Novalis a écrit ses premiers fragments, a mélangé ses fragments avec ceux de Schlegel. Et là, c'est déjà le début de cette grande aventure littéraire, mais qui ne va bien sûr ne pas s'arrêter là. Alors cette aventure, cette revue ne va pas durer très longtemps, ça va durer 2 ans pour quelques numéros. Et vous précisez bien, Frédéric Brun, que c'est beaucoup plus la réunion de ces intellectuels qui fait qu'on imagine cette revue comme quelque chose de tout à fait moderne, parce qu'il y a tout à la fois des physiciens, des linguistes, des poètes, des écrivains, même des hommes de religion qui se réunissent autour de cette idée de la poésie. Oui, cette revue est totalement révolutionnaire et représente totalement l'âge d'or qui régnait à Iéna et dans cette région. Cet âge d'or correspond d'une certaine manière presque à l'époque de la Renaissance. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est intéressante par rapport à cette analogie. Le groupe de l'Athénaeum avait pour habitude de se réunir aussi dans la ville de Dresde. Et à Dresde, ils aimaient aller admirer ensemble la Madone Sixtine de Raphaël, qui était à l'époque une œuvre complètement ignorée par les visiteurs du musée. Elle était sur une mezzanine mal exposée. Et les membres de l'Athénaeum venaient l'admirer. Et je trouve ça assez symbolique parce que eux-mêmes étaient, vivaient à l'époque un âge d'or aussi au niveau de la peinture, parce que c'est l'époque de Caspar David Friedrich, des peintures de ce célèbre peintre. Et donc, vous dites bien que les frères Schlegel, pour cette revue, avaient pour objectif de prolonger les idéaux de l'Antiquité en les mariant avec ceux de la modernité. Mais en quoi cette revue, puisque vous le dites, Frédéric Brun, correspond aux ambitions du premier romantisme allemand ? Elle correspond par l'esprit transversal par rapport aux disciplines. C'est clair qu'ils ont voulu mélanger toutes les disciplines et mettre la poésie au centre de ces disciplines. C'est aussi la forme du fragment, la forme du fragment qui est la forme peut-être la plus originale qui a été présentée dans cette revue. Et les romantiques se sont très bien exprimés à travers le fragment. Alors, est-ce que Novalis signait ses contributions dans cette revue, Frédéric Brun ? Oui, mais ils avaient aussi un certain esprit communautaire. Donc Schlegel est même venu glisser, je crois, 2 fragments dans les grains de pollen. Il y a des fragments de Novalis qui sont non signés aussi dans d'autres passages de la revue, mélangés avec ceux de Schlegel. C'était aussi une espèce d'esprit artistique et communautaire, des frères artistiques. En quoi cette revue parlait de l'Allemagne de l'époque d'il y a 200 ans ? Elle parle de l'Allemagne d'il y a 200 ans parce qu'elle fait intervenir les grands esprits de l'Allemagne il y a 200 ans. Dans le groupe qui participe à l'Athénaeum, il y a le philosophe Schelling qui a écrit un livre très important qui s'appelle « La philosophie de la nature ». Une philosophie qui correspond au premier romantisme allemand dans la mesure où Schelling privilégie l'intuition, l'art et l'inconscient, qu'il considère plus important que les sciences, pour se mettre en relation avec l'âme du monde. Il utilise d'ailleurs ce terme d'âme du monde, Schelling, de Weltseele. Ensuite, il y a un autre écrivain de son temps, théologien très important, qui est Schleiermacher. Et Novalis va découvrir l'œuvre de Schleiermacher à travers un livre qui s'appelle « Discours de la religion ». Et Schleiermacher, en fait, arrive avec des conceptions religieuses assez modernes pour l'époque, où il vient expliquer que Dieu est partout, mais aussi dans le cœur de l'homme, qui commence à briser un petit peu les frontières entre les religions, comme un peu à la manière de Spinoza. Et ce livre, Le discours de la religion, met aussi Novalis sur un chemin spirituel original, un esprit ouvert par rapport à toutes les spiritualités. Nous ne le comprendrons jamais totalement nous-mêmes, mais nous ferons et nous pourrons faire bien plus que nous comprendre. Par exemple, quand on prend cette phrase de Novalis, pour vous, c'est la poésie de Novalis parlant du monde, c'est le côté mystique de son éducation religieuse qui fait une réapparition dans son œuvre poétique. ou c'est justement la somme de tout ça, qui est tout à la fois la philosophie de Novalis, sa manière de concevoir le monde et de concevoir aussi le verbe, les paroles, la poésie. Dans ce fragment, il y a beaucoup d'humilité, il y a cette humilité de savoir qu'on ne peut pas tout comprendre et en même temps cette volonté de chercher à tout comprendre. C'est ce qu'il a voulu faire, Novalis, surtout aussi à travers son livre « Henri d'Ofterdingen », qui est un roman où il voulait tout mettre, toutes ses conceptions, toutes ses analyses. Et cette analyse, comment vous la percevez aujourd'hui, Frédéric Brun ? Par exemple, quand je lis un autre fragment, moi, de Novalis, quand il dit « Nous rêvons de voyage à travers l'univers, mais l'univers n'est-il pas en nous ?» Nous ne connaissons pas les profondeurs de notre esprit, les chemins mystérieux va vers l'intérieur. C'est une phrase que Thérèse d'Avila aurait pu dire, que les musulmans soufis peuvent reprendre. Comment vous percevez ce fragment de Novalis ? Elle me touche directement, surtout à une époque où nous sommes sans arrêt sollicité par des dizaines, des centaines d'informations, où chaque information vient balayer une autre information, où nous avons un esprit totalement dispersé. Novalis vient nous apprendre le regard que nous pourrions avoir sur le monde. C'est pourquoi le héros de son roman Henri d'Ofterdingen, qui est un jeune ménestrel du Moyen Âge, vient nous expliquer le regard que nous devrions avoir sur le monde. Et vous dites que c'est à la base du nouveau roman ou du roman moderne. Alors après les fragments, Novalis a voulu écrire un roman. Un livre-monde, où il a voulu introduire un petit peu toutes ses pensées, donc ses réflexions durant ses années universitaires, ses visions poétiques. Et donc il a créé ce livre en réaction au roman, par rapport au roman de Goethe qui s'appelait « Les années d'apprentissage » de Wilhelm Meister. Au début de son existence, Novalis a été marqué par ce premier roman de formation, ce Bildungsroman. Goethe avait écrit ce premier roman de formation en voulant délivrer un message. Son héros, Wilhelm Meister, est devenu un homme quand il a commencé à apprendre ses limites. Il a commencé à vouloir être un artiste, à vivre un petit peu dans la bohème, et finalement a terminé en tant que chirurgien. Et donc il est devenu un être raisonnable entre guillemets. Et Novalis a voulu écrire un anti-Meister. Il pensait que l'homme ne devait pas trouver ses limites et que grâce à la poésie, l'homme n'avait aucune limite. Mais pour autant, il va écrire un roman dans le style romanesque, c'est-à-dire une fiction avec un personnage, des événements, de l'imagination. Oui, c'est pourquoi le roman Ofterdingen est absolument moderne et on a dit que Novalis a été un fondateur du roman moderne. Tout d'abord, il a introduit le rêve. Le rêve est dans ce livre revient dans différents chapitres. Il introduit l'importance de l'inconscient. Il fait sans arrêt des retours en arrière. Ce livre est tout à fait original pour l'époque et devient d'une certaine manière l'accomplissement de toute son œuvre, même s'il est resté inachevé. Ce livre contient toute la philosophie de Novalis. Il est resté inachevé parce que il n'y avait pas d'éditeur à l'époque qui était intéressé, ou parce que c'était aussi un peu le jardin secret de Novalis. Il est inachevé parce que malheureusement Novalis est mort très jeune. Il est mort à 29 ans et il n'a pas eu le temps de le terminer. D'ailleurs, quand on voit le plan de ce livre qui devait être une Bible gigantesque, qui devait traverser toutes les époques de l'Antiquité jusqu'à son siècle, on se demande comment il aurait pu terminer une telle entreprise. Et ce livre est inachevé, mais d'une certaine manière, il est achevé aussi. Merci beaucoup Frédéric Brun. On se retrouve demain pour le dernier épisode de notre série en votre compagnie sur les traces de Novalis. À demain. À demain. Des Herzens Gott des Rausches Welche Wälder, welche Klüfte durchstreif ich mit fremdem Mut Welche Sternenkranz Cäsars ewigen Glanz mich flechten und den Göttern ihn zu gesellen. Unerhörte Gefahr Sterblichen Lippen entfallene Dinge will ich sagen. Wie die glühende Nachtwandlerin, die bacchische Jungfrau am Hebrus staunt und im thrazischen Schnee und im Rhodope im Lande Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Sylvain Savoya. Bonjour. Quelle terrible histoire. En 1761, un navire de la Compagnie française des Indes orientales chargé de 160 esclaves malgaches fait naufrage sur une minuscule île, ou plutôt un îlot, un caillou de l'océan Indien. Et sur les 90 rescapés, il y aura 8 survivants qui seront sauvés, mais 15 ans plus tard. Oui, une histoire absolument invraisemblable, un récit de survie complètement dingue au milieu de nulle part. Et comment vous êtes tombé sur cette histoire? Un peu par hasard. Je ne la connaissais pas d'ailleurs, c'est incroyable. C'est une histoire qui est très peu connue par ici en fait. Elle est un petit peu connue dans l'océan Indien, mais à peine. Ici, on n'en a quasiment jamais entendu parler. Et depuis cette époque, depuis le XVIIIe siècle, elle est tombée un peu dans l'oubli. Mais c'est une histoire, un drame humain absolument incroyable, effectivement, où on a laissé pendant 15 ans 80 esclaves, enfin 80 malgaches abandonnés à la suite d'un naufrage comme ça sur cette île minuscule qui fait 1 km², donc est vraiment toute petite. Dont le point le plus haut était à 8 mètres de hauteur, donc on a l'impression plus d'être sur un bateau que d'être sur une île en vérité. Alors ce qui est plus terrible, c'est qu'une fois qu'il y a eu ce naufrage, ces hommes, ces esclaves, à l'époque, vont tout faire pour essayer de réparer le bateau. Et finalement, quand le bateau est prêt à repartir, les Blancs s'en vont en promettant vaguement à ces esclaves qui vont revenir les sauver, ils ne reviendront jamais. Non, c'est même assez atroce comme pacte ce qu'ils avaient fait, parce qu'ils ont demandé aux esclaves de les aider vraiment à construire ce bateau, qu'ils ont baptisé la Providence d'ailleurs, pour se sauver. Et le bateau étant trop petit pour emmener tout le monde, il a pu emmener seulement les survivants français, qui étaient quand même au nombre de 120, ce qui représente déjà pas mal de personnes. Et le lieutenant français qui avait fait la promesse aux esclaves de venir les rechercher a quand même tout fait pendant des années pour essayer de faire réfréter un navire pour aller les chercher, mais les autorités se sont toujours opposées à ça. En fait, on a prétexté qu'ils étaient sans doute déjà morts et que ça n'avait aucune importance d'aller les chercher. Et ils vont survivre. Enfin, certains d'entre eux. Certains vont survivre, oui, parce qu'effectivement, sur les 80 à peu près qui ont été abandonnés à la suite du départ des Français, 15 ans plus tard, quand le navire du chevalier Tromelin revient sur les lieux, il ne reste plus que 7 femmes et un bébé, en fait. Ouais. Et donc, on sait par ce qu'elles ont raconté qu'une partie a tenté de s'enfuir par radeau deux fois, qui sont sans doute arrivés nulle part, et les autres sont sans doute morts de maladies, de malnutrition, de désespoir, très certainement. Et donc, vous racontez cette histoire terrible de ces drôles de Robinson Crusoe. Oui, complètement. Alors, je le raconte de leur point de vue, en fait. J'essaye de me mettre dans leur regard, dans leur pas. Ça, grâce à une mission archéologique qui a eu lieu en 2008 et à laquelle j'ai participé, en fait, à l'invitation du chef de cette mission, qui s'appelle Max Guéroux et qui est un explorateur d'épaves depuis une trentaine d'années tout autour du monde et qui travaille sur de nombreux sites archéologiques. Et sur cette histoire particulièrement aussi. Et sur cette histoire, depuis pas mal d'années, il a fait énormément de recherches, en fait. Et moi, en ayant eu vent de cette histoire dans la presse une première fois, je l'avais contacté pour savoir si éventuellement il mettrait à disposition ces documents pour que j'en fasse une histoire de bande dessinée. Et il était très enthousiaste par rapport à ça, à la fois parce que ça mettait en valeur leur travail d'archéologue, mais surtout parce que ça redonnait une voix, ça redonnait la parole à ces malgaches qui ont été complètement niés dans leur existence. Avant de parler de votre bande dessinée, Sylvain Savoya, et de votre traitement de l'histoire, parce qu'il y a deux niveaux de lecture, c'est-à-dire la reconstitution de l'histoire, mais aussi comment parler de cette histoire. Donc on vous voit effectivement avec ces chercheurs, ces archéologues, on vous voit vous-même essayant de traiter ce terrible fait et de vous poser les questions de comment le reconstituer. Qu'est-ce que ces recherches ont rapporté de plus dans le récit de ces esclaves oubliés de Tromelin ? Alors, suite à une première mission en 2006 qui avait permis de comprendre la mécanique du naufrage et un peu de retrouver les restes du navire, la deuxième mission était vraiment concentrée sur la terre ferme et sur les restes, les traces qu'ils avaient pu laisser de leur vie et de leur survie sur cette île, en fait. Et les découvertes ont été bien au-delà de nos espoirs et on a trouvé énormément de choses. C'est-à-dire qu'on s'attendait à trouver peut-être des restes d'un abri et peut-être quelques objets. Et on a commencé à mettre à jour... Oui, parce qu'il faut dire que c'est une région qui est constamment ravagée par des cyclones. Hein. Complètement, oui, tout à fait. Il y a des cyclones qui passent régulièrement. Et d'ailleurs, cette petite île abrite une station météo qui sert de base avancée pour prévenir Madagascar des cyclones. En fait, il y a une base météo depuis 1954 qui est automatisée depuis mon passage, mais voilà, qui permet d'analyser tous ces cyclones. Et en fait, donc, on a trouvé beaucoup de choses sur cette île et notamment... On s'attendait à trouver un ou deux abris, on a trouvé un village, enfin un hameau, on a mis à jour ces habitations collées les unes aux autres, et c'était assez incroyable de trouver ça en assez bon état en fait, en creusant dans le sol, puisque les cyclones avaient tout recouvert assez rapidement de sable. On a trouvé aussi ce qui était à l'intérieur des pièces, donc c'est-à-dire de la vaisselle empilée, bien rangée, des outils posés le long des murs. Et c'était très émouvant parce qu'on avait l'impression d'avoir un instantané du XVIIIe siècle devant nous. C'était vraiment avoir un contact direct avec ces malgaches qui avaient vécu sur cette île. Et maintenant, parlons un peu de la bande dessinée. Pourquoi vous avez décidé de traiter cette histoire en mettant justement le making-of de l'album comme partie intégrante du livre? C'est-à-dire, quand je suis parti, j'avais vraiment dans l'idée de travailler uniquement sur l'histoire du XVIIIe siècle et de parler uniquement de ce naufrage et des malgaches abandonnés. Mais au vu des découvertes qu'on a fait et avec ce témoignage, en étant vraiment témoin de l'engagement de ces archéologues, de leur passion et vraiment de tout ce qu'on a pu mettre à jour, c'était assez extraordinaire. Ce que je pensais qui ne serait qu'une sorte d'appendice à la fin du livre est devenu une partie intégrante de la bande dessinée. Et d'ailleurs, traité d'une manière très différente graphiquement. Tout à fait. Et en fait, c'était assez essentiel pour ne pas perdre le lecteur. Comme c'est une sorte de ping-pong entre le XVIIIe siècle et l'époque contemporaine, les chapitres s'alternent entre vraiment le récit des malgaches et le récit de la mission archéologique. Il fallait que quand on tourne la page, on sache exactement où on était. Donc ce choix graphique, le fait d'avoir un dessin un peu classique, on va dire, pour parler de l'époque du XVIIIe siècle, et un dessin plus reportage, plus croquis à l'aquarelle pour parler de l'époque contemporaine, fait que quand on tourne les pages, on ne se pose pas la question, on sait immédiatement si on est au XVIIIe ou au XXe et on peut enchaîner l'histoire et ne pas se perdre. Donc cette histoire, c'est un projet que vous avez depuis 10 ans maintenant, puisque c'est en 2008 l'expédition. 2008, oui. Vous avez lu quand ce fait divers dans la presse? Je pense en 2007. Voilà. Donc pas loin. Pas loin de 10 ans, c'est voilà, 8 ans que je suis dessus. Bon, j'ai pas travaillé dessus pendant 8 ans, parce que ça serait quand même un peu long pour faire un album de bande dessinée. C'est-à-dire que quand je suis parti en 2008 avec eux, en fin 2008, j'étais engagé sur d'autres séries que j'ai menées à terme avant de pouvoir attaquer celle-ci. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette reconstitution, Sylvain Savoya ? Le plus dur, se mettre dans la peau de malgaches du XVIIIe siècle. Alors, déjà dans une autre culture, et en plus dans une autre époque, c'était vraiment une sorte de challenge. Pour ça, je suis quand même allé à Madagascar pendant un mois, essayer de rencontrer un maximum de personnes, essayer de comprendre leur culture et leur histoire. Comment ils sont habillés, parce que, oui. Parce oui, que... surtout leur rapport à la vie, à la mort, leur rapport au sacré, à la terre de leurs ancêtres, quelque chose qui est extrêmement présent dans leur culture et qui me passionnait aussi. Donc, ça a été vraiment un très très beau voyage qui m'a appris beaucoup de choses. Sylvain Savoya, s'il fallait maintenant parler d'aujourd'hui, est-ce que, quand vous décidez de raconter cette histoire terrible qui s'est passée en 1761, je le rappelle, ces esclaves oubliés, dans cet îlot, est-ce que les images d'actualité, de réfugiés sont présentes dans votre esprit? Est-ce que c'est aussi pour faire écho au présent? Quand j'ai commencé, non, ça, j'avais pas encore cette vision aussi aussi claire de ce qui se passe en Méditerranée notamment. Et effectivement, maintenant, la relation est directe. Voilà, on assiste au même phénomène en fait que les naufragés sur l'île de Tromelin. À un moment donné, quand il n'y a plus que le désespoir et qu'on n'a rien d'autre que se jeter dans l'inconnu pour essayer de survivre, voilà, ça fait exactement écho à ce qui se passe aujourd'hui. Des gens qui n'ont aucun espoir sur l'avenir, leur seule possibilité, c'est de se jeter dans l'inconnu, aussi dramatique et aussi dangereux soit-il, parce que voilà, il n'y a pas d'autre échappatoire. Merci d'être passé ce matin. Je rappelle le titre de cette bande dessinée que je vous recommande vivement. C'est dans la collection Air Libre de Dupuis, Les esclaves oubliés de Tromelin. J'espère, Sylvain Savoya, qu'avec cette bande dessinée, vous allez faire un maximum d'établissements scolaires, de musées d'histoire, parce que c'est une histoire très importante. Il faut qu'elle soit connue. Oui, effectivement, c'est une histoire qui est méconnue et je pense que c'est important de redonner la voix à des gens qui ont été arbitrairement déplacés, exilés, abandonnés comme ça. Je pense que c'est très très important et parallèlement à cette bande dessinée, il y a une exposition assez conséquente qui va avoir lieu au château des Ducs de Bretagne à partir du 17 octobre, qui est une grosse exposition de 450 mètres carrés qui va retracer toute l'histoire de ce destin des Malgaches depuis la construction du navire jusqu'à leur abandon, puis les fouilles archéologiques. Et les pages de la bande dessinée vont servir de fil rouge pour cette exposition. C'était Un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr si vous voulez podcaster cette interview de Sylvain Savoya ou découvrir l'autoportrait qu'il est en train de faire. Merci d'ailleurs. Et puis nous, on se retrouve demain à la même heure sur les traces de Novalis en compagnie de Frédéric Brun. Et en deuxième partie, je serai avec le dessinateur et auteur d'ailleurs, Baru, pour The Four Roses, édité chez Futuropolis. Bonne matinée sur France Culture.